s'arrête, où le temps n'a plus de droit sur la folie. Elle voulait ne plus y être, s'en aller pour ne plus tuer ses envies. Mais combien de fois a-t-elle approché son cœur du vide? Et demain, une dernière étincelle, et le temps aura eu raison de sa vie. Mais elle y croit encore, elle y croit encore, au droit qu'à chacun de se défendre, au pouvoir que l'on a pour nous entendre. Elle oublie tous ses problèmes quand son cœur vient demander sa dépendance. Oublier toute sa haine envers le temps où elle croyait en l'existence. Mais pourquoi cette fois-t-elle condamner sa vie au pire? Et demain, cette dernière étincelle, que le temps lui aura fait payer le prix. Mais elle y croit encore, elle y croit. Au droit qu'à chacun de se défendre, au pouvoir que l'on a pour nous entendre, elle y croit encore, mais elle y croit encore. Une vie de rêve si longtemps espérée, mais rien n'a changé. Et le temps aura eu raison de sa vie, que le temps lui aura fait payer le prix. Mais elle y croit encore, elle y croit encore, au droit qu'à chacun de se défendre, ce droit que l'on avait de longtemps.